théâtre populaire de juin 44 présente dans une production de Maurice Bertrand « Les arbres meurent debout », une comédie en trois actes et quatre tableaux d'Alejandro Casona, version radiophonique de Jean Can. Avec la distribution suivante, la grand-mère Berthe Bovy, Marthe Isabelle, Hélène Perdrière, sociétaire de la Comédie Française, Hélène Liliciou, Geneviève Olganilza, Félissa Fanny Marette, la dactylo André Gilles, Maurice Jean-Louis Gemma de la Comédie Française, Monsieur Balboa Lucien Natt, l'autre Marcel Alba, le faux pasteur Hubert Prélier, le faux mendiant Edmond Beauchamp et le récitant Valé Valdi. Réalisation Roger Dattis. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. Monsieur Jean Camp, hispanisant de classe, nous a dévoilé maint chef-d'œuvre du théâtre espagnol, et l'on y retrouve ce mysticisme chaud et violent, sorte de transfiguration de l'âme d'un peuple avide de beauté et de grandeur. Alejandro Casona est un des meilleurs représentants de cet art dramatique. Et dans ses productions comme « La barque sans pêcheur » ou « La dame de l'aube », il traite des résonances obscures, de l'inexprimé, des souffrances et des désirs, avec une force qui éclate aux minutes extrêmes. Dans cet échange entre notre sensibilité et celle de ses personnages, la valeur évocatrice d'un mot ou d'un geste suffit à nous prendre, et l'éclairage sentimental est si intense qu'il prête à lui seul une valeur aux moindres attitudes et aux moindres gestes. Les arbres meurent debout est un drame de l'amour maternel, ouaté de douceur, de tendresse. On songe un peu à Daudet, un Daudet plus âpre, plus noueux, car ici la race donne le ton et les sentiments se transposent sur un mode vibrant, presque héroïque. L'histoire de ce petit-fils, jeune dévoyé dont la grand-mère conserve farouchement l'honnête image, évolue vers la tragédie. Ce sont pourtant des êtres naïfs et rudes, mais leur détresse morale a tant de dignité qu'elle en est poignante. À l'heure de la révélation du mensonge, cet aïeul n'a qu'une peur, fléchir, ne pas mourir debout comme un arbre, et elle dira... La plus forte douleur est passée. Le plus dur, c'est la trace qu'elle laisse, cette peine qui vient ensuite en silence et nous enveloppe lentement, lentement. Le sujet est simple, mais il y a tant d'exactitude et de délicatesse dans l'observation des caractères, tant de vérité pitoyable dans l'expression des états d'âme que l'émotion que dégage cette œuvre est de qualité rare. On a le sentiment que les personnages représentent et symbolisent l'âme populaire, mais ce mélange de rudesse et de sollicitude fait bien ressortir, même dans son allégorie, la force expressive, la gravité tendre et la tristesse amère d'un grand dramaturge. Lundi 19 juin, 14h30 sur France 3, veuillez écouter une adaptation de M. Philippe Dorez d'un roman de Paul Vialard, J'avais un camarade. Et maintenant, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Nous sommes apparemment dans un grand bureau moderne. Un épais rideau laisse voir, quand on l'écarte, un vestiaire rempli de costumes exotiques, avec une petite table, un maquillage surmonté d'une ampoule. Ça et là, des filets de pêche, des masques, un mannequin sans tête couvert d'un manteau, un globe terrestre, des armes bizarres, des cartes géographiques de pays inconnus. Tout le bric-à-brac d'un magasin d'antiquités. Passez, mademoiselle. Je suis vraiment heureuse que vous vous soyez décidée à venir nous voir. Ayez la bonté de nous laisser, messieurs. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est vous qui m'avez appelé? Oh, je ne peux prendre des initiatives. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Vous permettez. Allô? Allô, la direction. Parlez. J'ai une grande nouvelle pour vous. Ah, alors dites-moi que les yeux tristes que nous attendions viennent d'arriver. En effet, ils sont là. Saluez de ma part et dites-leur que dès que j'aurai terminé ici, j'aurai le plaisir de m'occuper d'eux et de tout cœur. À vos ordres. Vous avez entendu, mademoiselle? Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, mais pourrais-je savoir qui m'a appelé et pourquoi je suis ici? Monsieur le directeur vous expliquera. Vous ne voulez pas vous asseoir? Vous me semblez un peu nerveuse. Beaucoup et surtout désorientée. Ce rendez-vous est si étrange à un moment de ma vie, si... Oh, allons, mademoiselle, tranquillisez-vous. Je vous assure que vous êtes entre amis, entre camarades. Voulez-vous prendre quelque chose? Non, rien, merci. C'est fini. Il y a là un monsieur qui vient de la part du docteur Ariel. Du docteur Ariel? Faites-le entrer immédiatement. Entrez. Entrez, monsieur, entrez. Mademoiselle. Enchantée. Vous êtes un ami du docteur Ariel? J'ai cet honneur. Alors, je suppose que le docteur vous aura mis au courant, non? Non, pas du tout. Il m'a donné simplement cette adresse et m'a dit qu'ici, je saurais tout. Si l'on pouvait faire quelque chose pour moi. Mais espérons-le. Monsieur le directeur va descendre tout de suite et s'occupera de vous personnellement. Merci. Amélie, voilà. Prenez les renseignements. Ah, je ne sais pas si j'ai le droit de faire les présentations ou si vous préférez garder l'anonymat. De toute façon, considérez-vous comme des amis. Mademoiselle. Monsieur. Un moment, s'il vous plaît. Me suffit-il de chanter ou... dois-je emporter l'accordéon? Ce n'est pas le moment de demander des instructions. Attendez-les là-bas. Excusez-moi. De toute façon, vous ne vous manquez pas, mademoiselle. C'est un ami. Vous permettez? Allô? Oui, c'est moi-même. Comment? Mais non, l'affaire des enfants séquestrés a été classée définitivement. Aucun résultat. Ah, ça c'est autre chose. Attendez. Je crois que j'ai tous les renseignements sous la main. Fumerie d'opium. Mais laissez donc, mademoiselle, allez, passez par l'appareil. Oh. Ah, c'est vous. Bien. Enchantée. Votre femme va bien? Tant mieux. Ah, je le regrette, mais actuellement, ce n'est pas possible. Non, je vous en prie, n'insistez pas. Je vous répète qu'en ce moment, c'est impossible. Non, non plus. Je l'appellerai moi-même. De rien. Allez, venez, mademoiselle, le travail n'attend pas. Je vous en prie, excusez-moi un instant. Dites-moi, mademoiselle, avez-vous une idée approximative de l'endroit où nous sommes? Moi, non, et vous? Mais moi non plus. C'est curieux, n'est-ce pas? Aucun de nous deux ne sait où nous sommes, et cependant, nous sommes là tous les deux. Nous serions-nous trompés d'adresse? Vérifions-la. Quelle est la vôtre? Avenue des Parfums, 2488. Mais 2488, c'est exact. Il n'est pas douteux que dans toute la ville, il n'y a qu'une avenue des Parfums. Et il n'est pas douteux que dans toute l'avenue, il ne peut y avoir qu'un 2488. Tout ça est indiscutable. Mais que signifie ce mélange de bureaux et d'ateliers extravagants? C'est ce que je me demande depuis mon arrivée. Et cette fumerie d'opium et ces enfants séquestrés? N'allez pas me dire que tout ça est naturel. Cela passe encore, mais le plus étonnant, c'est le pêcheur. Pourquoi? Mais parce que ce pêcheur norvégien qui vient de sortir quand je suis entrée, il n'était ni pêcheur ni norvégien, c'était un pasteur protestant. Diable, que me racontez-vous? Je l'ai vu sur un banc de square, un pasteur protestant qui discutait avec une Anglaise rousse. Oh. À moins que la dame ne soit déguisée, elle aussi. Vous en êtes sûr? Absolument. Alors, il n'y a pas de doute, nous sommes prouvés dans un guet-apens. Silence, viens. La première fois que vous venez ici, hein? La première fois, oui. Si vous voulez un bon conseil, retirez-vous tant qu'il est encore temps. Pourquoi? Sinon, voyez mon exemple. 40 ans d'études pour un plat de lentilles. Et d'ici à la taverne du port, chantez pour ces gros garçons blonds qui pleurent des larmes de bière. F-48. F-48. F-48, vous y comprenez quelque chose? foi, oui, qu'il me faut sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Ah non, pas par là, pas par là, voyons, vous allez vous mettre dans la gueule de l'eau. Du calme, mademoiselle, du calme. Tant que nous aurons la tête sur les épaules, raisonnons froidement. Voyons, réfléchissons. À première vue, tout ce que nous voyons ici peut se passer dans un théâtre, dans un studio de cinéma ou un cirque. Si ce n'était que ça. Et cependant, il est évident que nous ne sommes ni au théâtre, ni au cirque, ni au studio. Évident. Dans une loge, pas davantage. Et dans une secte. Mais de quoi? Je ne sais pas, une secte secrète. Religieuse? Non, c'est périmé. C'est politique, des terroristes. Contre un homme d'âge et une pauvre femme seule, non, ça ne vaudrait pas la peine. Alors, au diable, nous sommes-nous fourrés? Je suis un peu distrait, j'ai pu me tromper, mais vous, hein? Est-ce possible que vous soyez venu sans savoir où vous veniez? Mais quand ils m'ont appelé, j'étais si désemparée que je ne pouvais m'y refuser. Si l'on m'avait convoqué alors sur le seuil de l'enfer, j'y serais allée tout de même. Et qui vous a appelé? Je ne sais pas, un inconnu. Ah, je me l'imaginais. Avec des menaces? Au contraire, avec la plus belle des promesses. Mais il fallait le dire! Vous rendez-vous compte du danger? Une jeune fille jolie, seule. Mais comment n'avez-vous pas soupçonné la ténébreuse intrigue? Une séquestration? Bah, c'est la seule explication. Mais ne craignez rien. Tout vieux que je suis un honnête homme. Si ces ruffiens vous attaquent, je vais... SS2, mission terminée. Sans incident. Non, non, non, soyez tranquille, personne ne m'a suivi. J'en réponds. Merci. Oh! Exact, exact! Une véritable trouvaille. Vous êtes le colonel aux 7 blessures, spécialiste des souvenirs de guerre, c'est ça, hein? Quoi? Quoi? Avec une mouche blanche au menton, vous étiez le type idéal. Salut, camarade. Ah ben ça y est, t'es compris? Nous sommes tombés sur une mafia. Oh, il nous faut sortir de ce repère, coûte que coûte. Eh ben, Barou, mais ne comprenez-vous pas que toutes les portes sont verrouillées? Et derrière ce rideau, attendez. Oh! Horreur, un pendu. Non, une garde-robe, des déguisements, des perruques, des masques. Ah, c'est bien ce que je pensais, une bande d'imposteurs. Si nous appelions la police par téléphone... Mais ils ne sont pas fous, le fil est certainement coupé. Si nous crions pour appeler au secours... Mais vous n'y pensez pas, ils se jetteraient sur nous aussitôt. Oh, par ici, il y a une sortie secrète. Je voudrais bien trouver le bouton. Mais tenez-vous tranquille. Si vous vous trompez de bouton, nous sauterons peut-être en morceaux. Attendez, attendez, examinons la situation avec calme. Oh mon Dieu, donnez-nous vos lumières pour y voir un peu clair. Oh, il me semble que nous rêvons. Oh, je n'y vois goutte, moi je n'y comprends rien. Si cette porte s'ouvrait, si Napoléon entrait pour nous demander l'heure qu'il est, je trouverais ça tout naturel. Napoléon, Napoléon. Oh, mais j'y suis! Quoi? Mais comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Ce ne peut être que ça. Mais ça a quoi parler, sapristi? Mais vous n'avez jamais entendu parler d'un asile de fous où tous les malades un jour se sont soulevés, ont ligoté les infirmiers et ont occupé leur place? Non! Eh ben voilà, nous y sommes. Nous sommes dans un asile en révolution. Tenez, écoutez les chiens. Les chiens affamés qui ne pensent plus à nourrir. Au secours! Ouvrez, pour l'amour de Dieu! Ouvrez! Mais mademoiselle, quels sont ces crimes? Mais que se passe-t-il? Mais c'est à vous que je le demande, à vous qui êtes l'organisatrice de cette comédie. Laissez-nous passer, madame. Ôtez-vous de cette porte. Non, mais je ne comprends pas. Ah, vous ne comprenez que trop. Cette jeune fille a été attirée dans un piège misérable, mais elle n'est pas seule. Elle a le droit de sortir et elle sortira avec moi. Écartez-vous, allons. N'avez-vous pas entendu, Hélène? Laissez passer nos visiteurs. Bien, monsieur le directeur. Il a dû se produire une confusion lamentable et monsieur a droit à une explication. Oui, je puis tout de suite vous dire que rien de ce que vous avez soupçonné n'est la vérité. Vous n'êtes ni séquestrés, ni les victimes de bandits ou de fous. Quant à mademoiselle, elle est venue ici librement pour découvrir non pas le chemin de sa perte, mais celui de son salut. Mais si vous le regrettez, mademoiselle, et préfériez continuer à vivre comme hier, la porte vous est ouverte. Vous déciderez vous-même. Venez-vous? Non, à présent j'ai besoin de savoir. Pourquoi avez-vous dit si vous préfériez vivre comme hier? Qui êtes-vous? Qu'importe. Il ne s'agit pas de ma vie, mais de la vôtre. Que voulez-vous savoir de moi? Une seule chose, mais trop intime pour en parler devant témoins. Laissez-nous seuls. Oh, ici. Mais ne craignez rien, cet homme ne ment pas, j'en suis sûre. Et Hélène, accompagnez donc monsieur. Et pas de secret avec lui, dites-lui simplement la vérité. Bon, je vous attends. Soyez sans crainte, mademoiselle. Hein. Merci. Vous êtes le premier homme, l'unique, qui fait un pas pour me défendre. Merci. Merci. Neil, vous êtes tranquille? Oui. Vraiment? Vous n'avez plus peur? Non, j'éprouve un sentiment plus intense. Je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais je sens que toute ma vie peut dépendre de ce que vous me direz. Parlez, je vous en prie. Répondez-moi tout d'abord, mademoiselle Kitane. Que vous est-il arrivé hier soir? Non, pas ça. De quel droit m'interrogez-vous? Il le faut. Répondez. Alors, laissez-moi, ne m'obligez pas à me souvenir. Allons, ne faites pas l'enfant. Regardez-moi dans les yeux. Ils ne sont ni d'un policier ni d'un juge. Alors, confessez-vous sans crainte. Que s'est-il passé hier soir? J'étais désemparée, je n'en pouvais plus. Je n'ai jamais eu un toit, ni un frère, ni un ami. Cependant, j'espérais. J'espérais dans cette petite chambre d'hôtel, malpropre et froide. Je n'espérais même plus qu'on puisse m'aimer. Il m'aurait suffi d'avoir quelqu'un à aimer. Hier, quand j'ai perdu ma place, je me suis sentie tout à coup si misérable, si inutile. Je voulais réfléchir, je ne pouvais pas. Une seule idée stupide dansait dans ma tête. Tu ne pourras pas dormir. Tu ne pourras pas dormir. C'est alors que j'ai pensé à me procurer du Véronal. Pourquoi ne pas dormir tout d'un coup, toutes les nuits, que l'on redoute? Quelque chose se révoltait en moi, tandis que je vidais tout le tube dans mon verre, mais je n'avais rien pour me raccrocher. Pas un souvenir, pas un espoir. Une vie de femme terminée avant d'avoir commencé. Alors j'ai éteint la lumière. Et j'ai fermé les yeux. C'est à ce moment que quelque chose a frappé mon carreau et est tombé dans la chambre. C'était un petit bouquet de roses rouges avec un billet où j'ai lu « Demain ». D'où m'arrivait ce message? Qui avait pu, au milieu de tant de mots inutiles, m'adresser le seul qui pouvait me sauver? Demain. Je me suis sentie tout à coup que je pouvais dormir cette nuit-là sans le savoir et je me suis endormie. La lampe allumée, les roses entre les doigts. Les premières que j'ai reçues de ma vie. Et ce mot qui tombait sur moi comme des gouttes de pluie. Demain, demain, demain. Au matin, quand je m'éveillais... Vous aviez une carte glissée sous votre porte qui disait « Ayez confiance, nous vous attendons ». C'était vous? Moi-même. Mais pourquoi? Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Comment pouviez-vous savoir? Nos informations sont excellentes. Quand j'ai su que vous aviez perdu votre place et que je vous ai vu cheminer sous la pluie sans vous en rendre compte, j'ai compris qu'il fallait vous suivre. Mais je n'avais encore pensé à rien. Comment avez-vous pu deviner ce qui allait se passer? Le tube de Véronal, c'était déjà suspect. Mais vous avez laissé la porte de votre pension ouverte quand vous êtes rentrée. Une femme seule qui laisse sa porte ouverte ne craint déjà rien de personne. Que pouvais-je faire? Vous n'auriez pas accepté le secours d'un inconnu. Mais un bouquet de roses devait avoir plus d'éloquence que mes paroles. Vous m'avez donné raison. Je vous en prie, ne vous moquez pas de moi. Qui êtes-vous? Et quelle est cette maison où tout paraît à la fois si naturel et si absurde? Vous allez le savoir à l'instant même. Mais je vous en prie, ne le prenez pas sur un ton tragique. Souriez. Il n'y a point de choses sérieuses qui ne se puisse dire avec un sourire. Vous avez entendu parler du docteur Ariel? De nom, oui, tout à l'heure. C'est le fondateur de cette maison. Un homme d'une grande fortune et d'une imagination généreuse, qui prétend arriver à la charité par le chemin de la poésie. Depuis que le monde est monde, partout existe une organisation de bienfaisance publique. Les uns en font une question de justice, d'autres l'acceptent comme une nécessité, et quelques-uns l'exploitent comme une industrie. Mais le docteur Ariel a été le premier à penser qu'elle pourrait être... un art. Et c'est tout? Une institution charitable? Oh non, merci, monsieur, ce n'est pas une aumône que j'attendais de vous. Du calme, ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit ni d'asile, ni de morceaux de pain. Nous essayons de réaliser ici la bienfaisance utile à l'âme. À l'âme ? Beaucoup s'occupent à soulager des maux physiques, mais qui a pensé jusqu'ici à tout ce qui meurt sans avoir un seul souvenir de beauté ? Un seul rêve réalisé ? Je ne sais pas si vous commencez à y voir clair. Pas encore. Par moments, vous semblez parler sérieusement, mais tout cela est si étrange. On dirait une page arrachée d'un livre. C'est à quoi j'arrive. Pourquoi enfermer toujours la poésie dans les livres et ne pas la faire vivre en plein air, dans les jardins et dans les rues? Comprenez-vous mieux à présent? L'idée, peut-être. Ce que je ne saisis pas, c'est comment vous réalisez tout cela. Vous allez me comprendre. Vous rappelez-vous ce fantôme qui est apparu 7 samedis de suite dans la grande maison des Lilas? C'est dans mon quartier. À l'atelier, on en a parlé pendant 3 mois. Mmh. Et que disait votre atelier? Les uns parlaient d'hallucination, d'autres prétendaient l'avoir vu de leurs propres yeux. Beaucoup riaient, mais nerveusement. Et le soir, on se rappelait de vieilles histoires d'âmes en peine. Des âmes, en effet. Un quartier de commerçants où on n'avait jamais parlé que de chiffons, pendant 3 mois s'intéressait à des âmes. Voilà toute la clé du mystère. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas croire que ce fantôme est paru réellement. Y croire? Mais bien sûr, puisque c'était moi. Vous? Allons, ne recommençons pas, je vous jure que je parle sérieusement. Ne croyez pas que semer une inquiétude ou une illusion ne soit pas un travail moins nécessaire que semer du blé. Sincèrement, non, ça peut être un jeu amusant, mais utile. Je ne crois pas. Vraiment? Dites-moi donc, seriez-vous ici à présent si je n'avais pas joué à ce jeu hier soir? Pardon. Si vous voyiez nos archives, vous seriez étonné de voir à quoi l'on peut arriver avec un peu de fantaisie, en comptant naturellement sur la fantaisie des autres. C'est peut-être un travail difficile. Et vous êtes nombreux? Pas assez encore. Trop peu de femmes, surtout. Dites-moi, ce mendiant qui est entré ici d'un air mystérieux, avec un collier de perles dans les mains. Ah, le voleur des voleurs. Ça, c'est sérieux. Il a des mains d'une adresse. Pourquoi faire? Il suit la piste des jeunes dévoyés qui sortent des maisons de correction. Et hop! Comprenez-vous? Je comprends. Il les suit et à son tour, il les vole. C'est ça? Exactement. Vous saisissez vite. Et ensuite? Eh bien, ensuite, les objets volés retournent à leur maître et le schnappant reçoit un poulet qui dit « S'il vous plaît, mon garçon, ne recommencez pas, vous finirez par vous compromettre. » Cela donne des résultats. Vous avez des amis fort pittoresques. Des artistes professionnels, je suppose. Ah, artistes certainement, professionnels jamais. Les artistes professionnels sont trop dangereux dans les silences et tous voudraient la vedette sur l'affiche. C'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre. Mais vraiment, vraiment, vous... n'êtes pas un peu... Allons, dites-le sans crainte. Un peu fou, mais oui. Comme tous ceux qui ne sont pas absolument imbéciles. J'aimerais voir vos archives. Elles doivent contenir des histoires émouvantes et compliquées. Non, ne le croyez pas. Les plus émouvantes sont toujours les plus simples. Tenez, l'affaire Mendizabal, notre chef-d'œuvre. Oh, racontez. Volontiers. Un jour, le juge Mendizabal allait signer une sentence de mort. Il en avait déjà signé beaucoup dans sa vie et sa main ne tremblait plus. Nous savions tous qu'il était insensible aux larmes et aux prières, insensible à la douleur humaine. Mais en revanche, il éprouvait une véritable tendresse pour les oiseaux. En face de sa fenêtre ouverte, le juge rédigeait tranquillement la sentence. C'est alors que dans le jardin, un rossignol se mit à chanter. On aurait cru entendre tout à coup le cœur de la nuit qui battait. Et cette main de fer trembla pour la première fois. Le juge avait compris que dans la vie la plus insignifiante, il y a quelque chose de sacré. Et de si haut qu'un homme n'aura jamais le droit de l'enlever à un autre. Et la sentence ne fut jamais signée. Oh non, je vous en prie, c'est impossible. Vous n'allez pas me dire que ce rossignol, c'était vous? Non, pas moi. Non, non, nous avons un imitateur extraordinaire. Certains soirs d'été, par gratitude, nous le renvoyons chanter près du jardin de Mendizabal. Alors, voyez-vous clair à présent? Mais pourquoi devez-vous vous cacher, comme si vous faisiez une chose illégale? Parce que nous sommes hors la loi. Aucune loi, en effet, n'autorise à suborner un juge, même avec un chant de rossignol. Alors, pensez-y bien. Vous aurez ici un foyer, de bons amis, un beau travail. Voulez-vous rester avec nous? Je vous remercie, mais à quoi servirais-je ici? Croyez que vous êtes utile et vous le serez. Vous avez d'ailleurs un sourire charmant. Que peut valoir un sourire? Qui sait? Êtes-vous déjà passé quelquefois derrière la prison? Oui, c'est un terrain désolé, plein de ferrailles et d'ordures. Une grille donne sur ce jardin et accroché à cette grille, un homme toujours seul s'emplit les yeux de ce paysage sordide. Passez-y demain à midi. Regardez du côté de la grille et souriez. Retournez-y le lendemain et tous les jours qui suivront. Je ne comprends pas. La pire des angoisses de la prison, c'est le vide qui rend le temps insupportable. Quand cet homme verra que le miracle se répète, ses nuits même lui paraîtront plus courtes quand il pensera au lendemain à midi. Alors, complice? Complice. Merci, j'en étais sûr. Hélène, venez donc un moment, s'il vous plaît, et faites venir ce monsieur. Bien, monsieur. Oh, c'est réellement prodigieux. Quoi donc? Votre imitateur d'oiseau. Celui-ci? Oh, jamais, non. Le nôtre fait beaucoup mieux. C'est un artiste. Oui, celui qui chante en ce moment, c'est un rossignol véritable. Tout est-il décidé? Tout, mademoiselle, reste avec nous. Oh, mes compliments. Préparez-lui la chambre qui donne sur le jardin et présentez-lui à nos camarades. Elle entre en fonction immédiatement. Bien. Par ici, mademoiselle. Enchantée, monsieur. C'est une séquestration merveilleuse. Un moment, s'il vous plaît. Un premier essai, voulez-vous? Là, le terrain vague, et ici, la grille. Voyons. Souriez. Comme ceci? Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, pardon. Excusez-moi. Monsieur Balboa, Fernand Balboa. Ah. Je suppose que ma secrétaire vous aura mis au courant de tout. Êtes-vous tranquillisé? J'ai été inquiet, je l'avoue. À présent, j'ai presque envie d'en rire. Mais j'ai encore la gorge sèche. Oh, facile à guérir. Et Porto, whisky? Bon, ce que vous voudrez. Quand le docteur Argel m'a donné votre adresse, je suis venu sans grand espoir. Mais après ce que je viens d'entendre, je vois qu'il avait raison. Peut-être pourrez-vous me sauver? On fera ce qu'on pourra. Bien. Et maintenant, confessez-vous. L'histoire vient de loin, mais elle est facile à raconter. Imaginez une grande famille heureuse que le malheur accabla si bien qu'il ne resta plus que deux grands-parents et un petit-fils. La crainte de le perdre, cet enfant, nous le fit élever avec trop d'indulgence. Ce fut là notre grande faute. Amitié suspecte, vagabondage, dette de jeu. Un matin, je le surpris en train de forcer mon secrétaire. La scène qui suivit fut horrible. Il m'insulta, il leva la main contre moi. Je dus lui donner un soufflet et le mettre dehors. Il n'est pas revenu? Jamais, non. Il n'avait qu'une vertu, l'orgueil. Quand nous voulûmes le retrouver, nous apprîmes qu'il était parti sur un cargo pour le Canada, il y a de ça 20 ans. Vous avez eu de ces nouvelles? Oh, il aurait mieux valu n'en pas avoir. Des jeux de hasard, il passa à la contrebande et à l'escroquerie, des batailles de rue aux faux papiers et aux pistolets à la ceinture. Une canaille de profession. Naturellement, sa grand-mère ignore tout, mais notre bonheur est détruit. Elle ne m'a jamais fait le moindre reproche, mais ce piano fermé, ce fauteuil qui tourne le dos au jour, ce long silence des années était la pire des accusations. Comme si le coupable, c'était moi. Un jour, une lettre nous est arrivée du Canada. Et à quoi pensiez-vous? Cette lettre, on pouvait la tuer? Ah, au contraire, c'était la lettre de réconciliation. Mon petit-fils nous demandait pardon et remplissait 3 pages de belles promesses et de tendres souvenirs. Ah, excusez-moi, mon impatience était stupide. Mais non, car cette lettre était fausse. C'est moi qui l'avais écrite. Vous? Que pouvais-je faire? La pauvre vieille se mourait en silence tous les jours un peu plus. Grâce à ces 3 pages, le piano se rouvrit et le fauteuil regarda de nouveau le jardin. Très bien. Un peu élémentaire, mais efficace. Mensonge pieux. Ensuite? Ensuite, il a fallu poursuivre la supercherie. La grand-mère répondait toute heureuse et chaque 2 mois, une nouvelle lettre du Canada attisait son espoir. Eh oui. La boule de neige. Un jour, son petit-fils prenait sa licence à l'université de Montréal. Un autre jour, C'était un voyage en traîneau sur les lacs gelés. Un autre jour, il ouvrait un bureau d'architecte. Puis, il s'éprenait d'une charmante jeune fille. Enfin, si longues que fussent les fiançailles, il me fallut les marier. Mais les femmes veulent toujours davantage, davantage. Alors, alors, du courage. Quelque chose est venu déjouer vos plans, n'est-ce pas? Oui. La semaine dernière, en rentrant chez moi, je trouvais ma femme folle de joie et brandissant un câblogramme. Après 20 ans d'absence, mon petit-fils annonçait son retour. Excusez-moi, mais je ne vous suis plus. Voulez-vous en venir avec ce câble absurde? Moi? La vie se mêlait brusquement à la farce. Le câble était authentique. De votre petit-fils? De mon petit-fils, oui. Il s'est embarqué il y a 8 jours sur le Saturne. Diable! Ça commence à devenir intéressant. Je note. Le retour de l'enfant prodigue. Vous rendez-vous compte des nuits que j'ai passées avec ce bateau qui me tombait dessus? Tout allait se découvrir. N'en dites pas plus. Il faut sauver votre mensonge coûte que coûte. Nous organiserons une embuscade sur le port, nous... je ne sais pas encore très bien ce que nous inventerons, mais soyez tranquille, votre petit-fils n'arrivera pas. C'est bien ce que vous voulez? Non. Non? Non. Pour l'empêcher d'arriver, inutile de rien inventer. Vous n'avez pas lu les journaux? Le Saturne a coulé en haute mer avec tous les passagers. Il est mort? Oui. Ah, c'est une solution. La grand-mère le sait-elle? Il ne faut pas qu'elle le sache. J'ai fait disparaître tous les journaux, j'ai coupé le téléphone. Je clouerai portes et fenêtres s'il le faut. Que puis-je faire? Jusqu'à présent, nous avons inventé quelques trucs ingénieux contre bien des maux. Mais contre la mort, nous n'avons encore rien trouvé. Mais vous n'avez donc pas compris. Que m'importe ce petit-fils de mon sang? Celui qu'il faut sauver, c'est l'autre. Celui des jolies lettres, celui de la joie et de la foi. Le seul vrai pour elle. C'est celui-là qui doit nous arriver. Comment vous voudriez que je sois celui-là? Le petit-fils que vous avez créé de toutes pièces? Bien sûr, vous avez fait des choses plus difficiles. N'avez-vous pas été fantôme? Il est plus difficile de truquer un homme que de truquer un fantôme. Et il a un visage, lui, un timbre de voix. Par bonheur, il n'a jamais envoyé sa photographie. Et 20 ans transforme complètement un enfant. Et puis, je peux bien traverser la vie de quelqu'un un moment. Mais je ne puis m'y installer. Je n'allais pas vous en demander davantage. Seulement une semaine, quelques jours. Un seul soir, même. Non, ne dites pas non. Toutes vos théories sont des mensonges. Ou vous ne pouvez pas refuser à cette femme une heure, une seule heure de bonheur, qui peut être la dernière. Du calme. Je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non non plus. Laissez-moi y voir clair un peu. Le pire de tout, c'est que l'affaire me plaît énormément. Oui? Écoutez, mon cher, nous allons nous mettre dans un beau pétrin. Pour l'université, passe encore. Pour les voyages, avec un peu de géographie, on s'en tire. Mais ces complications inutiles, enfin, pourquoi en faire un architecte? Je n'entends rien aux mathématiques. Ne vous inquiétez pas, la grand-mère non plus. Et puis, pourquoi l'avez-vous mariée? Dans la farce comme dans la vie, un célibataire se défend beaucoup mieux. Vous ne pourriez pas inventer un divorce imprévu? Ah, c'est dangereux. Enfin, la grand-mère a des idées très arrêtées sur ce chapitre. Et si j'avais fait le voyage tout seul? À quel propos? Des complications familiales. La petite n'a pas de famille, son père était seul survivant. Je l'ai tué l'an dernier dans un accident de chasse. Nous pouvons fabriquer un autre accident pour elle? Une maladie? Il l'aime trop pour la laisser seule. Ah, cette femme va nous empoisonner l'existence, je le sens. Est-elle brune? Blonde. Ah, c'est pire. Un blonde, amoureuse, orpheline. Oh! J'ai une idée. Allô, Hélène? Je vous en prie, venez ici toutes les deux, vite. Dites-moi, avez-vous remarqué cette jeune fille qui est arrivée en même temps que vous? Croyez-vous qu'elle pourrait nous servir? Oh, c'est le type idéal. Ah, merci, monsieur, merci. Attendez. Monsieur le directeur m'appelait. Ordre urgent, préparez un bagage complet pour notre collaboratrice. 10 tailleurs, 6 costumes de sport, 3 robes de soirée, quelques photos sur fond de neige, un bouquet de houx. Et sur les malles, Hôtel Ontario, Halifax, Canada. Comment? Mademoiselle va aller au Canada? Au contraire, elle en revient. Ah. Et plus de mademoiselle, madame. Madame, j'ai le plaisir de vous présenter le grand-père de votre époux. Chez la grand-mère. Une grande pièce avec une terrasse donnant sur le jardin. C'est le soir. Madame, les voilà, les voilà. Allez ouvrir, Félicia, vite. Oh oui, madame. Non, non, non, non, pas vous, Geneviève. Près de moi. Je pense être bien forte, mais tout de même. Ma grand-mère, vous ouvrez ou je saute par la fenêtre? Vous l'entendez? Toujours aussi fou. Maurice! Grand-mère! Enfin. Et qui me disait que ma petite vieille était fragile? Il y a encore de la force dans ses mains fines. Laisse-moi te regarder. Mes yeux ne m'aident plus beaucoup, mais ils se souviennent. Oh, comme tu as changé, mon grand. 20 ans, grand-mère, toute une vie. Qu'est-ce que ça fait? Nous rouvrons le livre à la même page. Voyons, un peu plus clairsemé les cheveux. Quelques-uns se sont perdus en route. La voix plus formée, plus profonde. Mais surtout d'autres yeux, si différents. Mais remplis de la même gaieté. Voyons, ris un peu. Avec les yeux. Oui, oui. Oh, cette petite lueur dorée que j'attendais. C'est celle d'autrefois, celle qui faisait qu'on te pardonnait tout. Et tu le savais, garnement. Ah, il reste toujours quelque chose? Non. Non, Maurice, mon petit. Ah, surtout pas de larmes. Il y en a eu déjà trop. Ne crains rien. Celles-ci sont différentes et ce sont les dernières. Viens, viens, que je te vois mieux ici, en plein jour. Mais un moment, ma chérie, Maurice n'arrive pas seul, ni mal accompagné. Oh, pardon, pardon. Voilà ta belle ennemie. Mon ennemie, pourquoi? Crois-tu que je ne l'ai pas remarqué dans tes lettres? Quelle est cette intruse qui vient me voler mon bien? Eh bien, la voilà l'intruse, la blonde Isabelle, la dévoratrice d'hommes. Ne lit-on pas sur son visage? Je vous en prie, ne l'écoutez pas, c'est sa façon de parler. Oh, mais je le connais bien. Dans mes bras. Ne t'étonne pas si je te tutoie tout de suite, c'est beaucoup plus facile comme ça. Je vous en remercie. Ah, que cherches-tu en elle, hein? Ce qu'elle cache dans son regard? Non, non, ses yeux sont clairs, tranquilles. Et ils ne savent pas mentir. Ils te regardent et elle dit tout ce qu'elle pense. Ah, voici donc la fameuse Geneviève. Et elle-même. Monsieur connaissait mon nom. Grand-mère me racontait que la maison avait du bon, vous ne pouviez manquer dans le lot. Sympathique, n'est-ce pas? Oh oui, sympathique, et un vrai monsieur. Et voilà la maison de nouveau. Et tout comme autrefois, la table de cèdre, la tapisserie avec ses chasseurs, le fauteuil bourré de bons conseils. Tout cela est bien vieux, une autre époque, mais les maisons sont comme le vin. Elles gagnent en vieillissant. Elles te plaisent, Isabelle? Plus encore, elle me serre la gorge doucement. C'est une maison comme celle que j'ai toujours rêvée. Veux-tu faire sa connaissance? Ce n'est pas la peine. Nous en avons tant parlé qu'Isabelle pourrait bien la parcourir les yeux fermés. Vraiment? Presque. Là, la cuisine et le bûcher avec l'escalier de la cave. Tu vois? Là-bas, le bureau de grand-père, tout en noyer. Mmh. Et la bibliothèque avec des livres jusqu'au plafond. C'est vrai. Les livres de grand-mère en bas dans la vitrine. C'est bien ça? Tout à fait. En haut, le grand salon, les portraits et l'horloge suisse à carillon qui sonne comme une petite cathédrale, tenez. La voilà. Je l'aurais reconnue entre mille. Continue, Isabelle. En face de l'horloge, un double rideau de velours rouge. Et sur le jardin, la chambre d'étudiant de Maurice avec la branche de tilleul sous sa fenêtre. Tu sais ça aussi? Maurice me l'a dit si souvent. Si j'y retourne quelques jours, je veux grimper de nouveau par cette branche. Tu vois, Fernand, tu vois qu'on ne pouvait pas la couper. Non. Viens ici, ma fille. Dieu te bénisse. Grand-mère, mais qu'as-tu donc, ma fille? Des larmes à présent? N'y faites pas attention, c'est une sentimentale. Tu l'as entendu, elle a toujours rêvé d'une maison semblable. Elle l'aura, bien sûr. Pourquoi son mari ne serait-il pas architecte? Ah, ce ne sont pas les architectes qui font les vieilles maisons. Le temps s'en charge pour nous. Occupe-toi de l'extérieur. L'intérieur, elle s'en chargera. Promis. Promis. Et c'est tout? Dans ton pays, ici, quand ta mère fait une promesse, il la souligne autrement. Mais Isabelle ne connaît peut-être pas nos coutumes. Mais si, grand-père. Merci, chérie. C'est comme ça? Et au bout de 3 ans de ménage, vous vous embrassez sur la joue. Eh bien, le monde a bien changé. Ah, tu vois, hein, toujours cette ridicule timidité. Ah, que va penser grand-mère de nous et du Canada? Allons, voyons, un peu de patriotisme. Oh, idiot. Alors, très bien, pacte conclu. Hein. Et maintenant, il faudrait penser aux pratiques. Fatigué, non? Vous devez avoir faim. Geneviève! Oh non, pas le moins du monde. Sur le bateau, on nous a fait manger sans arrêt. Je voudrais faire un brin de toilette. Vraiment? Vous ne voulez rien prendre? Geneviève s'était appliquée à vous faire un bon dîner. Non, mais tant mieux après tout. J'ai un peu négligé la cuisine. Le punch est froid et le potage froid doit être chaud. Il y a une chose que tu ne peux me refuser. C'est moi qui l'ai faite. Te rappelles-tu quand tu revenais du collège en criant? Non! La tarte aux noix avec du miel d'abeille! Vous l'entendez, Geneviève? Des riens, tout ça, des riens. Vite, vite, tirez-la du four avant qu'elle se refroidisse. Une coulée de miel, bien fin, par-dessus. Tout de suite, tout de suite. Bien, Isabelle, je vais te montrer ta chambre. Je parie que tu m'approuveras. Pourquoi, grand-mère? Une discussion avec ton vieux têtu de grand-père. Figure-toi qu'il s'était entêté à vous donner deux lits jumeaux, parce que c'est la mode aujourd'hui, et patati et patata. Mais nous, nous suivons les vieilles coutumes, n'est-ce pas? Comme Dieu l'ordonne. Les vieilles coutumes? Oui, il y a une chambre à côté qui communique, n'ayez pas peur. Tu ne me réponds pas, Isabelle? Ah, mais si, grand-mère, mais oui, que comme Dieu l'ordonne. Allons. Doucement, Élise. Attention aux escaliers. Assez de sermons. Quand mon cœur résiste à tout ce que le mien a supporté, il n'y a rien à craindre de tant de joie. Appuyez-vous sur moi. Avec plaisir, avec des jeunes bras comme les tiens. Je me moque de l'âge et des escaliers. Et sans calme, sur mes deux pieds, porte de mes deux enfants. Voilà. Alors, ça marche? Formidable. Quelle énergie et quelle flamme! Ah, ce n'est plus la même. Merci de tout cœur. Je ne pourrai jamais vous payer ce que vous venez de faire pour cette maison. J'en suis ravi. Au fond, je suis un artiste. Et rien ne m'enthousiasme autant que de vaincre une difficulté. Oui. La seule chose que je regrette, c'est qu'à présent, tout va devenir trop facile. Mais croyez-vous que nous ayons franchi le pire tournant? Certainement. Le danger, c'est la première rencontre. Si notre accolade avait manqué d'émotion, si elle m'avait regardé de sang-froid, tout était perdu. Aussi, j'ai tout mis en œuvre pour la faire pleurer. Des yeux troublés par les larmes et 20 ans d'absence aident beaucoup dans ce cas-là. Et de vous, rien ne m'étonne. Vous avez l'entraînement et le calme de l'artiste, mais votre compagne, une débutante, après tout, s'est conduite admirablement. La petite n'est pas mal, hein? Elle a des qualités. Ah, cette scène du souvenir, c'était impressionnant. La petite cathédrale, la vitrine aux livres, la branche du tilleul. Moi-même, qui avait décidé les plans, j'avais des frissons dans le dos. Mais tout marchait bien jusque-là, mais après, quand elle s'est jetée en sanglotant dans les bras de la grand-mère... Quoi, vous critiquez ce sanglot, mais ne semblait-il pas naturel? Mais trop naturel, voilà la faute. Avec les femmes, on ne sait jamais. Vous leur préparez la scène la mieux mise en place, et tout à coup, au bon moment, elles mêlent leur cœur au métier et vous fichent tout par terre. Là, il faut toujours les tenir en main. Oui, je comprends, elle est si fraîche, si spontanée. Elle peut se trahir sans le vouloir. Et surtout avec cette sacrée mémoire de votre femme. Mais moins nous les laissons seules, mieux cela vaudra. Mais que pensez-vous faire à présent? Ce qu'on fait d'habitude, les veillées familiales, les souvenirs intimes, les voyages... Mais n'aurez-vous pas oublié les détails? Ne craignez rien, si la géographie bafouille, j'ai de l'imagination. Seulement, tâchez que la veillée ne soit pas trop longue. La première nuit passée, il n'y a plus de danger. Seul! Elle n'a pas besoin de moi. Elle connaît la maison mieux que nous. Et alors, cette petite ennemie? Délicieuse. Ah, tu as su la choisir. Tu as parlé à Maurice, grand-père? De quoi? Ah, je savais bien que tu n'en aurais pas le courage, mais il le faut. Puisque nous sommes seuls, profitons-en. Un secret? Le seul que je n'ai jamais osé rappeler dans mes lettres. Le dernier soir, tu comprends, grand-père n'a pas su ce qu'il faisait, il était hors de lui. Et au contraire, il a fait son devoir. Et si je dois du respect et de la reconnaissance à quelque chose, c'est à cette main qui m'a fait homme d'un seul coup. Merci, grand-père. Ah, voilà. Un peu trop rôti, mais elles sentent bon. Vite, vite, vite, Isa! Voici des tartes aux noix et au miel, vite! Vite! La première pour toi, Isabelle. Maurice m'en a parlé. J'en avais une envie. Tu les aimes? C'est savoureux. Savoureux, savoureux. Il faudrait inventer un mot pour l'exprimer, justement. Mais doucement, doucement, tu vas t'étrangler. Un petit peu de vin sec, elle glisse mieux. Voulez-vous un Anjou Clairet ou du vieux Bourgogne? Nous les connaissons par cœur. Non, il n'y a plus de ce vin qu'on fabriquait à la maison avec du jus de raisin sec et de l'écorce d'orange. Le doux? Marcette, Geneviève, Marcette, mais vite, oui, madame, vite oui. Ce n'est pas du vin à proprement parler. C'est une liqueur de dame, mais bigrement émoustillante. Tu verras. Tu vas en boire, toi? Ce soir, oui, quoi qu'il arrive. Ne te fâche pas, ça n'y changerait rien. Tu aimes les gâteaux faits à la maison? Oh, elle en raffole. C'est la première chose qu'elle me dit au débarquement. Alors nous aurons beaucoup à faire ensemble. À votre santé. À votre santé. Pour le soir le plus heureux de ma vie. Pour ton pays, Isabelle. Et buvons tous, Geneviève. Nous sommes tous ici de la famille. Merci, monsieur. À votre santé. À la vôtre. Qu'en dis-tu, Isabelle? C'est fameux. Ça pique les yeux. Il faudra me donner la recette. Est-ce un secret de famille? Non, pour toi, il n'y a pas de secret ici. Vous pouvez aller vous reposer, Geneviève. À quelle heure le déjeuner? Nous n'avons pas d'heure. Oui, où nous dormons comme des sous jusqu'à midi, où nous plongeons dans la rivière dès le lever du soleil. Alors, à demain. Oui, à demain. À demain, Geneviève. Bonne nuit. À demain. La rivière? C'est pas vrai. Elle est froide comme la glace. Vous ne connaissez rien au froid ici. Demande à Isabelle comme c'est bon de se baigner dans les torrents tout écumants de neige. Les torrents tout blancs, avec les saumons sautant à contre-courant. Ah, je me souviens, tu me l'as écrit une fois quand tu étais sur le Saint-Laurent. C'est là que tu as gravé mon nom sur un chêne. C'est là. Oh, j'aimerais tant que tu me le racontes. L'excursion au Grand Lac? Mm-hmm. Ah, c'est un conte de fées. Imagine-toi un traîneau tiré par des chiens tout bruyants de grelots, des troupeaux de cerfs, des forêts de sapins comme un paysage de Noël, et au fond, les cinq lacs d'eau douce dans les grandes montagnes qui poussaient leurs arêtes de neige dans le ciel. Comment? Il y a des montagnes dans la région des lacs? Non, mais Maurice est un optimiste et il appelle montagne la moindre taupinière. Nous avons vu une fois un chat sauvage sur un arbre et pendant toute une semaine, il a parlé de tigres et de forêts vierges. Je voulais dire des collines. Oui, en Nouvelle-Écosse, tout est si plat que la moindre colline semble une montagne. Mais la Nouvelle-Écosse est à l'est. Elle n'a rien à voir avec le Saint-Lac. Ah oui. Tu crois qu'elle est à l'est? Tu ne vas pas dire qu'elle n'est pas à l'est. À moi qui ai suivi tous tes voyages jour par jour sur le grand atlas de ton grand-père. Ah oui, mais le Canada est un grand pays, un très grand pays. Encore un verre, hein? Ah oui, merci. À moi aussi, le dernier. À toi? Oh, non, s'il monte à la tête de ton petit-fils, passe encore. Mais toi, fais attention à ce breuvage domestique. Oh, non. Le der, Fernand, mon petit Fernand, ne doit pas davantage comme ça. L'âtre. Allons, grand-mère, vos nerfs ont été bien secoués. Faut aller se reposer. Ce soir? Dormir ce soir? Après l'avoir attendu 20 ans? Ce soir, même la police montée du Canada ne pourrait me fourrer au lit. Allons, Élise, ménage-toi. Et maintenant, Isabelle, de la musique. J'ai grand envie de t'entendre jouer cette ballade irlandaise. My heart is waiting for you. Quoi? My heart is waiting for you. Ça se dit pas comme ça en anglais. Oh, yes. C'est la chanson que je préfère. Celle que tu jouais le jour où tu as connu Maurice. Tu te souviens? Oh, yes. Au piano, ma chérie, au piano. Mais non, ne sois pas folle, voyons. De la musique à 7 heures. Mais... Tu sais jouer du piano? Bléro de Ravel avec un doigt. Oh, sapristi. Pas ce soir, grand-mère. Isabelle est accablée par le voyage. Mais oui. Oh, rien ne repose comme la musique, allons. Demain, une autre fois. Mais pourquoi pas tout de suite? Et nous sommes superstitieux. Et chaque fois qu'Isabelle a joué cette balade, il nous est arrivé une tuile. Tiens. Qu'est-ce que je disais? Qu'as-tu? Rien, Sylvain. Oh, tu t'es blessé la main. Ça n'a pas d'importance, une simple égratignure. Oh, vite de l'alcool et un penchant. Ça laisse donc. La liqueur et mon mouchoir seront aussi beaux. Comme ça, pour petite. Ça te fait mal. Mais ce n'est rien, je vous jure. Non, ce que je regrette, c'est qu'on vous ait laissé sans musique. Mais non. C'est moi qui jouerai des airs à moi. Ah, tu composes aussi? Oh, quelquefois. Des bagatelles pour me venger des chiffres. Celle-ci, par exemple. Le mois d'avril, le dégel commence. On l'entend. Les écureuils se poursuivent dans les branches. Voici les écureuils. Et la chanson annonce le beau temps. Voilà le coucou. Ça te plaît? Oh, c'est bien de toi. Pour mon petit garçon. Le meilleur de tous les petits garçons. Et vive la musique civile! Voyons de nouveau tous ensemble. Le dégel, les écureuils et le coucou. Encore un doigt, Fernand, pour le gentil coucou, le dernier des derniers. Ah. Ah, voyons, les hommes. Non, assez maintenant, va-t'en au lit. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce maudit chronomètre qui bafouille quelquefois. Mais ne croyez pas que je sois malade. Peu de brouillard, tout au plus. Ah, faut donc aller me coucher. Il vaut mieux. Demain, nous aurons tout le jour. Demain. Les nuits sont si longues. Repose-toi bien, Isabelle. À demain, ma fille. Maurice, si tu as l'habitude de lire avant de dormir, tu sais où est la bibliothèque. Veux-tu un livre? Un traité d'architecture et un atlas du Canada. Allons, Fernand. Et demain, la balade irlandaise. Voyons si vous êtes capable de rêver quelque chose de mieux que vous-même. Enfin, nous nous sommes tirés d'un mauvais pas. Pourvu que ça dure. J'ai jamais senti de ma vie une angoisse plus grande. C'est que la dame est dangereuse. Elle a une mémoire inexorable. Elle a passé des années à ne penser qu'à ça. Que lui arriverait-il si elle découvrait la vérité? Ça dépend de nous. Nous nous sommes fourrés dans le pétrin et on ne peut plus revenir en arrière. Demain, encore la même farce. Jusqu'à quand durera-t-elle? Quelques jours seulement. Un faux cab me rappellera d'urgence et elle en gardera le souvenir pour toujours. Pourquoi m'avoir chargé de ce rôle? Je ne puis pas, Maurice, je ne puis pas. Tu as donc si peur? Pour elle, oui. Nous faisons quelque chose de bien, je le sais, mais quand je la vois si confiante, comme une enfant heureuse, je dois faire un effort pour ne pas lui crier la vérité, lui demander pardon. C'est un jeu trop cruel. Ah, c'est ce que je craignais. Que tu fourres du cœur dans la comédie. Nous n'aboutirons à rien comme ça. Fais tout ce que j'ai pu. Me suis-je pas bien tenue? Au début, si. Cette timidité en arrivant, cette scène de l'émotion, c'était très bien. Mais ensuite, ce sanglot, quand tu t'es jetée dans ses bras... Je n'en pouvais plus. Je sais ce que c'est que de vivre seule et d'attendre. Et voilà ce qu'il faut corriger dès le départ. L'art ne s'obtient pas ainsi, mademoiselle. Il se fait ici, à la tête. Vous n'avez pas été émue un seul instant? L'émotion véritable n'est jamais artistique. Par exemple, as-tu remarqué avec quel ravissement j'ai mangé la tarte aux noix avec du miel? Eh bien, s'il y a deux choses que je déteste, ce sont le miel et les noix. Voilà ce que l'on nomme la conscience artistique. Tu les as aimées, toi? Oui, délicieuses. C'est une opinion. Et ce tremblement dans la voix en la voyant pour la première fois? C'est le truc élémentaire, les débutants ne l'ignorent pas. Cette longue embrassade en silence, jusqu'à ce qu'elle en pleure. Tout était prévu. On y voit moins clair quand les larmes brouillent la vue. Tu comprends à présent? En effet, j'ai beaucoup à apprendre. Sans doute, mais tu arriveras, Isabelle. Pourquoi continuez-vous à m'appeler Isabelle? Personne ne nous entend. Mon nom est Marthe. Pas ici. Nous vivons une vie tout autre et nous devons oublier complètement notre personnalité. Pas de confusion de genre. Bon, c'est bien. Dites-moi quelle faute j'ai commise pour que je puisse les corriger. D'abord le baiser, c'est-à-dire les deux baisers. Le premier était trop... Fraternel? Fraternel, oui. 3 ans de mariage ne justifient pas cette froideur. En revanche, le second n'était pas non plus un baiser de 3 ans. Trop fort? Mais trop. En art, tout est dans la mesure. Bon, excusez-moi, je n'y reviendrai plus. J'espère bien. Ah, secondo, ne me dis jamais vous. Rappelle-toi que je suis ton mari. Mais que nous sommes seuls. Même pas, il faut s'y habituer. Sais-tu ce que font les amants intelligents quand ils doivent vivre en société? Ils s'habituent à se vouvoyer dans l'intimité pour ne pas se tromper ensuite en public. Ben, nous n'avons qu'à faire de même, mais à l'envers. Pardon, je ne savais pas. Et pour le langage, comment nous arrangerons-nous? Le langage? Ben oui, le mien, l'anglais. Ma grand-mère le sait, tu l'as vu, et moi-même, si intelligente que je sois, je ne puis pas songer à l'apprendre en une nuit. Ah, il faudra s'y efforcer. L'anglais est devenu si important de nos jours que les Nord-Américains eux-mêmes doivent l'apprendre. Ah, yes, yes, yes. Tu te moques? Du professeur? Oh, ça serait un manque de respect impardonnable. Non, pas d'ironie. Il vient de t'arriver quelque chose. Depuis un moment, tu me regardes avec d'autres yeux. Tu as changé. N'est-ce pas toi qui me semble différent? Écoute, Maurice, quand tu m'as dit l'autre jour que ton imitateur d'oiseau chantait mieux que le rossignol véritable, Parlais-tu sérieusement? Tout à fait sérieusement. Un simple animal, si merveilleux soit-il, ne peut jamais se comparer à un artiste. Alors tu crois vraiment que l'art vaut mieux que la vie? Mais toujours. Regarde ce tilleul du jardin aujourd'hui. Il a de la valeur parce qu'il donne de l'ombre et des fleurs. Mais demain, quand il mourra, comme meurent les arbres, en silence et debout, personne ne se souviendra de lui. Par contre, si un grand artiste l'avait reproduit sur une toile, il vivra éternellement. Autre chose? Rien de plus, c'est tout ce que je voulais savoir. Un moment. Jusqu'à présent, je n'ai fait que corriger tes erreurs, mais il ne serait pas juste que je ne te complimente pas de tes trouvailles. J'ai eu des trouvailles? Ah, ben tant mieux. Une surtout. Le truc pour ne pas jouer du piano. Quel truc? Ta blessure à la main. Ah, je n'aurais pas fait mieux. Avec quoi as-tu imité le sang? Avec mon rouge à lèvres. Je l'ai pensé tout de suite. Félicitations. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Les nerfs. Attends, mais tu es blessée vraiment? Mais je n'ai rien su trouver d'autre. Un mensonge, il faut l'inventer, tandis que la vérité, c'est si simple. Bonsoir. Vous ne vous fâcherez pas si je vous dis quelque chose? Vous? Tu ne t'offenseras pas si je te dis... Mais parle. Tu as trop de cœur. Tu ne seras jamais une véritable artiste. Merci. C'est ce que tu m'as dit de plus gentil ce soir. Et toi, te fâcheras-tu si je t'en dis une autre? Parle. Si un jour, tous les arbres, moins un, devaient disparaître de la terre, j'aimerais qu'il reste ce tilleul. Pardonnez? Pardonnez. Bonne nuit, Maurice. Bonne nuit, Marthe Isabelle. Quelques jours plus tard, dans le même décor. Allô, Hélène? Ah, splendide! Le premier soir, il y a eu du coton, mais à présent, comme sur des roulettes. La grand-mère? Ah, charmante! Celle de la bibliothèque rose. Isabelle? Elle progresse à vue d'œil. C'est une collaboratrice excellente. Elle voudrait rester ici toute la vie. Mais il est temps de baisser le rideau. Bon, préparez un cap du Canada avec le texte adéquat. Projet maison à bon marché, approuvé par commission compétente, présence immédiate, urgente, signé Hamilton. Oui, qu'il m'arrive demain matin. L'après-midi, les deux passages d'avion fictifs. Rien de plus. Merci, Hélène. À demain. Non, Geneviève, ce n'est pas possible. J'ai beau le tourner dans ma tête, je n'arrive pas à y croire. Vous en êtes sûre? Je ne voulais pas le croire non plus. Mais quand je vous dis que je l'ai vu de mes propres yeux... Pourquoi ne pas m'en aviser plus tôt? À parler franc, je n'ai pas osé. Ce sont des choses si délicates. Si madame ne m'avait pas assassiné de questions, je n'aurais jamais dit un mot. Oui, c'est très mal. Faut tout tirer au clair, une fois pour toutes. Et le plus tôt sera le mieux. Où est Isabelle? Vous allez lui parler? Mais tout de suite. Suis-je une femme à regarder par le trou de la serrure pour connaître la vérité? Où est Isabelle? Elle arrose les massifs. Eh bien, appelez-la. Oh, réfléchissez, madame, avant de... Appelez-la. Madame Isabelle! Elle arrive. Eh bien, laissez-nous seuls. Bien, madame. Vous m'appeliez? Approche-toi. Regarde-moi bien en face. Et réponds sans hésiter. Que me caches-tu ces jours-ci? Moi? Ah, bah, tous les deux. Grand-mère. Sans détourner les yeux, réponds. Je comprends pas. Tu ne comprends que trop. Il est inutile de feindre davantage. Je comprends que c'est une confession assez intime, peut-être douloureuse, mais je ne te parle pas comme une aïeule à une enfant. De femme à femme, Isabelle, que se passe-t-il entre Maurice et toi? Pour l'amour de Dieu, mais dites-moi quels sont vos soupçons. Ce ne sont pas des soupçons, ma fille. C'est la réalité. Ce matin, quand Geneviève t'a apporté le déjeuner, tu étais endormie dans ta chambre toute seule. Maurice aussi dormait dans sa chambre, dans la chambre voisine. Veux-tu m'expliquer ce que ça signifie? Pour les chambres! Et c'est ce qui vous inquiète! Je ne trouve pas ça drôle. Au contraire. Et ton rire nerveux, ne veut-il rien dire? Rien! C'est que vous me parliez sur un ton, comme si vous aviez découvert quelque chose de terrible. Ah, tu trouves que ce n'est rien? D'abord, un ménage qui fait chambre à part, c'est une immoralité. Mais cela veut dire quelque chose de pire. Un amour qui n'existe plus. Mais non, grand-mère, comment pouvez-vous le penser? N'ai-je pas des motifs? Nullement, mais c'est tout simplement la peur des moustiques qui a fait fuir Maurice, il ne peut les supporter. Et toi, si. Qu'est-ce que c'est que ce ménage qu'un moustique peut séparer? Mais il n'y en avait pas qu'un, ni deux, ni trois, ils étaient légions. Quand j'avais ton âge, je ne me serais pas séparée de mon mari, même pour les 10 plaies d'Égypte. Il faut que tu me promettes que cela n'arrivera plus. N'ayez crainte. Mais quelle importance à une séparation si momentanée. Mais ce n'est pas un moment qui me préoccupe. Ce sont toutes les minutes de toute la vie. Quand on arrive à mon âge, il n'y a plus de bonheur possible qu'à contempler celui des autres. Pourrais-tu me jurer, la main sur le cœur, que tu es tout à fait heureuse? Pourquoi me le demandez-vous? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de curieux entre vous. Je te trouve craintive devant lui, comme s'il était le maître. Dans un véritable amour, personne ne commande. Tous les deux obéissent. Maurice m'est si supérieur en tout. Il n'a pas besoin de commander pour que je me sente heureuse de lui obéir. Il n'est pas mauvais que tu le penses, mais qu'il n'en sache rien. Sinon, tu es perdue. On a toujours dit que l'amour est un peu comme ces petites voitures chinoises. L'un est très à l'aise, assis à l'intérieur, et l'autre pousse dans les brancards. Mais ce que je vois, c'est toi qui pousses la voiture. Qu'est-ce que cela fait si c'est mon bien qu'elle emporte? Je voudrais que la charge fût plus pesante, du chemin plus rude pour mieux la mériter à l'arrivée. Mais que dis-tu là? Tu parles de ton mari comme s'il n'était pas à toi, comme s'il te fallait encore le gagner. C'est que vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout ce que Maurice est pour moi, c'est plus que mon amour. C'est ma vie entière. Le jour où je l'ai connu, j'étais si désespérée que je me serais laissée mourir comme un chien dans mon coin. Mais il est passé près de moi avec un bouquet de roses et un mot amical. Et ce mot m'a rendu tout d'un coup tout ce que je croyais perdu. J'ai compris alors au fond de moi-même que j'allais être à lui pour toujours. Même de loin, même s'il ne me regardait plus. Et vous me voyez attelée à son charme et heureuse, puisque c'est le sien. Tu en es si folle, ma fille. Si c'est de la folie, bénie soit-elle. Bénie les yeux qui me regardent, même s'ils ne me voient pas. Bénie sa main à ma ceinture, même si ce n'est qu'un rêve. Écoutez, grand-mère. L'autre jour, vous me demandiez pourquoi je ne voulais pas parler d'autre langue que celle de Maurice. Vous comprenez maintenant pourquoi? Une langue, ce ne sont pas des mots, ce sont des choses. C'est la vie même. Quand j'étais enfant, ma mère me disait « chérie ». C'était un mot. Quand j'allais en classe, la maîtresse me disait « chérie ». C'était un autre mot. Mais la première fois que Maurice, presque sans voix, m'a dit « chérie », ce n'était plus un mot. C'était une chose vivante qui faisait trembler mes genoux. Comme si l'amour venait de naître brusquement. Comme s'il m'apparaissait le premier jour du monde. Comme si personne n'avait jamais aimé avant nous. La nuit, je n'ai pas pu dormir. Chérie, chérie, chérie, chérie. Le mot vivant retentissait à mes oreilles, sur mon oreiller, dans mon sang. Mais que m'importe à présent que Maurice ne me regarde pas? Si j'ai les yeux tout pleins de lui. Que m'importe à présent que le bouquet de roses me dise demain, s'il m'a donné des forces pour l'attendre toujours. Ça ne fait rien qu'on nous aime. Il suffit d'aimer pour être heureuse, grand-mère. Heureuse, heureuse, heureuse. Assez, mon petit. Assez. En vérité, je ne sais plus à quoi m'en tenir. Il y a un moment, j'étais préoccupée en pensant que tu ne l'aimais pas assez. Maintenant, j'ai presque peur de te voir l'aimer tant. Mais ne lui en dis pas un mot. M'entends-tu? profite de ta jeunesse pour grimper dans la voiture et qu'il tire un peu dans les brancards, puisqu'il est un homme. Oh, confidence de belle-mère et de bru. Mauvais pour le mari. Pourquoi supposes-tu qu'on parlait de toi? N'y a-t-il pas d'autres sujets plus attrayants? Je lui racontais combien je suis heureuse avec toi. Oui, et c'est pour cela que tu as pleuré? Mais il y a des femmes qui ont une étrange façon d'être heureuses. Apprends que tu es trop habituée à ce que tout te tombe, rôtit. Et tâche de la bien traiter, désormais. Elle n'est plus seule. Maintenant, nous sommes deux. Tiens, prends ça, mon fils. En cas de besoin. Qu'est-ce que c'est? Contre les moustiques. Quels moustiques? Ceux que j'ai dû inventer ce matin. Geneviève a découvert que tu dormais dans la chambre des invités. Ah, c'était fatal. Le seul jour où j'ai oublié de m'enfermer à clé. Mais ne t'inquiète pas, tout est arrangé. Vraiment, elle n'a rien soupçonné? Rien. À tes côtés, on apprend à mentir avec le plus grand naturel. C'est une façon délicate de m'appeler hypocrite. Imaginatif. C'était un éloge professionnel. Je suppose que tes nerfs ont dû passer un mauvais moment. On s'habitue à tout. La vérité, c'est qu'on n'est jamais tranquille dans cette maison. Heureusement, j'y reste peu. Ah, j'ai une grande nouvelle pour toi. Tant mieux. Demain de bonne heure, nous recevons un cab du Canada et l'après-midi, deux passages d'avion. Non, nous partons déjà? Oui. Hélène se charge de tout. Mission terminée. N'es-tu pas satisfaite? Très satisfaite. Tu n'en as pas l'air. Au premier coup, ça fait un peu mal. Le grand rosier allait fleurir. Tu ne pensais pas que nous allions rester ici toute la vie? Toi-même m'as dit souvent que cette farce était cruelle et supérieure à tes forces. Au début, oui. Enfin, je sais seulement qu'il m'en a coûté beaucoup de l'entreprendre. Mais nous verrons ce qu'il en coûte d'en sortir. Demain? Demain. Ne pourrais-tu pas attendre un peu, un jour de plus? Pourquoi? On a fait pour cette femme tout ce qu'on pouvait faire. C'est pas pour elle, Maurice, maintenant, c'est pour moi. J'ai besoin de m'habituer à cette idée. Je te comprends de moins en moins. Je t'ai donné pour commencer une tâche des plus difficiles. Tu l'as remplie avec un naturel effrayant, comme une nouvelle épousée nageant dans le bonheur. Et maintenant que le rideau va tomber, tu vas te remettre à trembler? Je ne sais pas, j'ai peur de ce que tu appellerais la grande scène finale. Le départ? C'est le plus facile de tout. Un petit tremblement en faisant les malles, le long regard sur la maison comme si on caressait un par un tous les coins. Il sera même inutile de parler. De temps en temps, laisser tomber un objet, là comme par hasard. Une chose qui tombe en silence renferme plus d'émotion qu'un mot. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je t'admire. Encore de l'ironie? Non, pas d'ironie, je t'admire. Sincèrement. Vous, les rêveurs, vous avez une façon étonnante de ne bien voir que ce qui est loin de vous. Dis-moi, Maurice, de quelle couleur sont les yeux de la Joconde? Olive foncé. Et les yeux des sirènes? Vert marin. Et les miens? Les tiens? Ne le prends pas à mal, mais je ne sais pas plus leur couleur que celle des miens. Gris. Légèrement noisette, les tiens, avec une étincelle d'or quand tu ris, avec un voile gris quand tu parles, que tu penses à autre chose. Excuse-moi. Oh, ça ne fait rien. Et si demain, quand je ferai les valises, quelque chose tombe de mes doigts, ne t'inquiète pas, ce ne sera pas l'émotion. J'aurai suivi les leçons d'un bon professeur. Merci, Maurice. Si ce sont les journaux, mettez-les sur mon bureau. Bien, monsieur. Tiens, Maurice, voilà le livre que tu cherches et les dernières découvertes de l'archéologie. Elles n'ont aucun intérêt. Je viens d'en faire une plus sensationnelle. Toi? Tout à l'heure, après de longues recherches, je viens de découvrir que je suis un parfait imbécile. Isabelle! Isabelle! Une visite pour monsieur. À cette heure-ci, mais je n'attends personne et je n'y suis pour personne. Ah, pour moi, si. J'ai fait un trop long voyage pour que vous me fermiez la porte au nez. Mais de quel droit entrez-vous ainsi chez moi? Laissez-nous, Félicien. J'ai donc tellement changé en 20 ans? Maurice! Il n'y a pas à t'émouvoir ainsi, va comme si j'étais un fantôme. N'as-tu pas reçu le câble qui a annoncé mon arrivée? C'est pas possible, mais le Saturne s'est englouti en haute mer avec tous ses passagers. Oui, mais quand on mène la vie que je mène, on ne voyage pas sur le bateau qu'on indique. Et sous sa propre identité, la police est si curieuse. Mais que viens-tu faire? As-tu besoin de le demander? Tu ne supposes pas, j'espère, que je viens me mettre à genoux et pleurer sur mes péchés? Oh non, je te connais trop bien. J'ai suivi toute ta vie et je sais ce qu'on peut attendre de toi. Eh bien, je m'en réjouis. On évite ainsi bien des complications ennuyeuses. Ennuyeuses, surtout pour toi. Pour moi. C'est le moins qu'on pouvait espérer. Tu ne t'es jamais senti responsable à aucun moment de cette vie que je traînais loin de ma maison? J'ai fait mon devoir et je le referai 100 fois s'il le fallait. Oui, par plaisir sans doute. Mais je crains à présent que tu ne le puisses plus. Le gamin d'autrefois est devenu un peu plus dur. C'est une menace? Un avis simplement. Mais explique-toi. Que viens-tu chercher? Si je venais réclamer mes droits, je te répondrais tout. Tout ce que tu m'as enlevé d'un seul coup, une vie douillette, une bonne table, une famille honorable. Mais tu n'as pas pensé que tu pourrais revenir vivre ici, non? Ah non, non, tranquillise-toi, ce que tu nommes le foyer n'est pas fait pour moi. Mais que prétends-tu alors? J'ai besoin d'argent. Évidemment. Combien? Voilà le hic. Je le regrette fort, mais je ne peux pas faire de prix d'amis. Je suis dans une mauvaise passe. Non, pas avec la police, à cela je suis habitué. Maintenant, c'est avec mes copains d'aventure. Et cela ne pardonne pas. Mais je ne te demande pas d'explication. Combien? Ça te semblerait gros, 200 000 ? Oh, tu es fou ! D'où pourrais-je tirer cette somme ? Je ne m'attendais pas à ce que tu l'aies dans ta poche. Mais tu peux la trouver et sans aller très loin, sans sortir d'ici. Si j'ai bien calculé, la maison seule vaut le double. La maison ? Vendre la maison ? Bon, pour deux lieux tout seul, elle est trop grande. Tu serais capable de nous laisser à la rue ? M'y as-tu pas laissé, toi, il y a 20 ans ? Je me rappelle encore le bruit de la porte et tes doigts brûlent encore ma joue. Ce fut la première et la dernière fois que quelqu'un osa me mettre la main au visage. C'est ça qui t'a amené, hein? Je te comprends bien maintenant. C'est pas l'argent seulement, c'est toute cette vague trouble de vengeance et de ressentiment. Oui, ça pourrait se discuter, mais je n'en ai pas le temps. J'ai besoin de cette somme demain, entendu? Ni demain, ni jamais. Ah, réfléchis bien, mon vieux. Tu portes un nom honorable. Ça te plairait de le voir en grosses lettres sur les journaux et les fiches de police? Mais je ne peux pas, même si je le voulais, je te jure que je ne peux pas. Ça ne m'étonne pas de toi, hein? Tu as toujours eu beaucoup de mal à ouvrir ton coffre-fort. Mais il y a quelqu'un qui ne me laissera pas mourir dans la rue quand on peut me sauver. Où est la grand-mère? Ah non, non, la grand-mère, non, non. Elle ne sait rien de ta véritable vie. Pour elle, ce garçon fou d'il y a 20 ans est maintenant un homme heureux qui revient plein de souvenirs au milieu des siens. Une histoire exemplaire. Le malheur, c'est que j'ai passé l'âge d'y croire et que je n'aime pas les contes de fées. Où est la grand-mère? Non, mais penses-tu tout ce que tu peux détruire en une minute? Oh, j'ai pas de temps à perdre, écarte-toi! Ah non, non, tu n'iras pas plus loin. Oh, tu ne penses pas que tu pourrais lever la main aussi facilement qu'autrefois, non? C'était facile avec un gosse. Avec un homme, c'est différent. Allez, oust! Oui. Grand-mère! Plus bas, s'il vous plaît. Quand un homme est prêt à tout, il ne crie pas. Sortez de cette maison avec moi. Puis-je savoir qui vous êtes? Tout à l'heure. En ce moment, la grand-mère va venir ici, par cette porte. Si vous prononcez devant elle un mot, un seul mot, je vous tue. Moi? Parfaitement. Je vous tue sans regret. Silence, là aussi. Oh, de ma vie, je n'ai entendu une pareille sottise. Mais qu'elle est naïve. Figure-toi qu'Isabelle croyait que les fourmis rêvent. Oh, pardon. Pardon, je croyais que vous étiez seule. Ce n'est rien. Non, c'est rien. Monsieur ne connaît pas bien ce coin et il s'était trompé. Je vais lui montrer le chemin. Maurice! Une minute, Isabelle. Je reviens tout de suite. Par ici. Par ici, monsieur. Excusez-moi, madame. Le jour suivant. Oh, Maurice! Y a-t-il quelque espoir d'arrangement? Aucun. On lui a offert tout ce qu'on pouvait, sans résultat. Dans quelques instants, il va venir lui-même savoir quel est notre dernier mot. Et tu vas lui permettre d'entrer dans cette maison? Ah, malheureusement, c'est la sienne. Ni raison, ni prière, ni menace ne peuvent rien contre lui. Je ne te reconnais plus. Quand je t'écoutais parler le premier jour, tu me semblais un dompteur de miracles, dont les mains possédaient une magie nouvelle. Il n'y avait pas une laideur que tu ne pouvais embellir, ni une triste réalité que tu ne fusses capable de transformer par un jeu de ton imagination. Aussi je t'ai suivi, les yeux fermés, et voilà qu'arrive à ta porte une vérité qui n'a même pas l'excuse de la grandeur et tu te trouves pieds et poings liés devant elle. Mais que puis-je faire? En découvrant notre jeu, nous lui avons mis tous les atouts en main. Il n'a plus besoin de réclamer à présent, il n'a qu'à faire du chantage. Ah non, il n'y a plus d'espoir, ma pauvre Isabelle. Si tu peux encore rendre un dernier service à cette maison, avoue toi-même toute la vérité à la grand-mère. Mais qui gagnerions-nous? On lui enlèverait son bandeau. Tu peux le faire doucement, sans la blesser. N'attends pas qu'il lui arrache son ménagement. Ah non, je ne puis pas, je n'en aurai pas le courage. Je ne veux pas avoir une blessure que j'ai moi-même contribué à ouvrir et que je ne suis pas capable de guérir. Non, allons-nous-en d'ici, au plus tôt. Retourner chez toi en toute tranquillité et nous amuser à fabriquer des rêves qui ont de pareils réveils. Non, Maurice, retourne-y seul. Mais tu ne penses pas rester ici? Je le voudrais bien. Mais je ne veux pas non plus sortir de toute cette vie imaginaire pour retourner avec toi. Vers une autre, aussi fausse que celle-ci. Mais où donc, alors? À ta ville autrefois? Écoute, il n'y a plus ici ni maître ni disciple. Nous allons parler pour une fois d'égal à égal. Je vais te raconter une histoire, comme si elle était celle d'une autre, pour que tu y vois plus clair. Un jour, une jeune fille, seule au monde, fut enlevée de sa sphère pour entrer dans un climat merveilleux. Tout ce qu'elle n'avait jamais eu, on lui a donné tout d'un coup. Une famille, une maison sous les arbres, un amour de jeune mariée. Ce n'était qu'une farce à jouer, naturellement, mais elle s'y est livrée de tout son cœur. Le plateau où elle jouait est devenu sa véritable maison. Quand elle disait « grand-mère », ce n'était pas un texte à réciter, mais un cri venu du fond de ses entrailles. Et quand son pseudo-mari l'embrassait, elle en défaillait d'émotion. Le rêve a duré 7 jours, et en voici le résultat. Je sais bien qu'à présent, ma solitude sera plus lourde, mon froid plus froid, mais ils sont mon unique vérité, et je ne veux plus recommencer à rêver pour ne pas avoir à me réveiller de nouveau. Pardonne-moi si tu me trouves injuste. En partie seulement. Pourquoi tentais-tu à penser que cette histoire n'est que la tienne? Que veux-tu dire? Que j'ai eu besoin, moi aussi, de cette maison pour découvrir ma vérité. Hier, je n'avais pas encore appris quelle est la couleur de tes yeux. Veux-tu que je te dise à présent comment ils sont à chaque heure du jour, quand j'arrive ou quand je m'en vais? Maurice. Pendant cette nuit, je t'ai écouté dormir au travers de ma porte. Ton souffle m'est devenu une douce habitude. Et maintenant, je ne saurais m'en passer. J'ai besoin de t'avoir à moi et pour toujours. Contre mon propre oreiller, chez toi ou chez moi, qu'importe. Pourvu que nous puissions dire chez nous. Choisis toi-même. Oh, Maurice, Maurice, Maurice. Marthe Isabelle. Ma vérité. Le voici. Laisse-moi seule avec lui. Oh, mais tu es folle. Peut-être une femme pourra-t-elle obtenir ce que tu n'as pas réussi. Laisse-moi. Bon, je reste tout près. Ne crains rien. À présent, je suis forte. Pour deux. C'est le même homme qu'hier soir. Il demande madame. Qu'il entre. Bien, madame. La fausse épouse, sans doute. Votre fausse épouse. Enchanté, on a pas mal choisi. Merci. Je sais toutes vos manigances, les lettres, le mariage idéal, l'émotion de la vieille. Une jolie femme de moralité. Quel dommage qu'elle se termine si bêtement. Elle n'est pas encore finie. Oh, bah, pour ma part, si vous voulez la poursuivre, vous en connaissez le prix. Trop cher. Liquider cette maison coûte que coûte, la seule chose qui reste à ces deux vieux pour mourir en paix. Moi, je puis laisser ma peau au coin de la rue si je reviens les mains vides. Mes amis n'aiment pas les fantaisies, ils tirent très bien. C'est votre dernier mot ? Votre fiancé m'a demandé un délai hier soir. Je le lui ai donné. C'est fini. Allez, il y a du pèse, oui ou non? Vous savez aussi bien que moi que c'est impossible. C'est ce que nous verrons bien. Je suppose que vous avez enfermé la vieille dans sa chambre. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Doucement, pas un pas de plus. Oh, les femmes qui s'offrent ne m'ont jamais arrêtée. À plus forte raison, celles qui menacent. Allez, barrez-vous. Un seul mot de vous peut tuer cette pauvre femme. Ah, pas de danger. Malheureusement, si. Cette seule illusion la tenait debout et un tel coup lui serait fatal. Vous en êtes sûr? Je le jure. Mais la vie de cette femme vous intéresse donc tant? Plus que la mienne. Ben alors à quoi perdre du temps? L'affaire est claire. La vie de la vieille vaut 200 billets, c'est pour rien. Canaille. Passe-t-il ? Isabelle ? Grand-mère. Si je ne me trompe, monsieur est la personne qui était ici hier soir. Cherchez-vous quelqu'un dans cette maison ? Non, personne, il venait seulement prendre congé. Tu es folle, en voilà une façon de recevoir les visiteurs. Excusez-la, elle est un peu nerveuse, laisse-nous. Je crois que monsieur a quelque chose d'important à me dire. Mais lui, non ! Assez, Isabelle. Va dans le jardin et ne reviens pas avant que je ne t'appelle, entends-tu ? Sous aucun prétexte. Laisse-nous. Il s'agit sans doute d'une affaire très grave. Voulez-vous vous asseoir ? Non, merci. Nous allons nous entendre en peu de mots. De sorte que vous avez fait un long voyage pour parler avec moi. D'où venez-vous ? Du Canada. Un beau pays. Ma petite fille en est arrivée aussi depuis quelques jours. Vous connaissez mon petit-fils ? Beaucoup, et à ce qu'il paraît, mieux que vous. C'est possible. J'ai été séparée de lui si longtemps. Quand il a quitté cette maison... Quand on l'a expulsé sans raison. Exact. Quand son grand-père l'en a expulsé sans raison, j'ai eu peur pour lui. C'était une tête folle. Mais j'étais sûre de son cœur. Je savais qu'il lui suffirait de se souvenir de moi pour qu'il ne fît point de faux pas. Et j'ai eu raison. Puis ses lettres sont arrivées, sa vie nouvelle. Enfin, lui-même. Oui, je connais l'histoire. Ce que je ne m'explique pas, c'est comment vous avez pu l'avaler à votre âge. Je ne comprends pas. Dites-moi, madame, vous n'avez jamais pensé que ces lettres pouvaient être fausses ? Fausses ? Mais tout ! Les lettres et cette histoire ridicule, et votre petit-fils en personne. Êtes-vous devenu aveugle ou jouez-vous à Colin Maillard ? Que prétendez-vous insinuer ? Que ce garçon joyeux et heureux qui vit sous mon toit n'est pas mon petit-fils ? Que le mien, le véritable, la dernière goutte de mon sang, serait cette pauvre canaille qui est devant moi ? C'était ça que tu étais venu me dire, Maurice ? Grand-mère. Et pour m'apporter cette triste nouvelle, tu as rôdé autour de la maison comme un voleur. Pour donner secours à une pauvre femme, tu as traversé la mer. Tu peux être fière. C'est un exploit digne d'un homme. Oh, allons-nous en finir. Mais toi aussi, tu jouais ton rôle dans la farce ? Non, non. Je ne l'ai appris qu'hier soir. Je t'ai aperçu ici une seconde et mes yeux se sont ouverts. Ensuite, il ne m'a pas été difficile d'obliger ton grand-père à tout avouer. C'était si atroce que je me refusais à le croire. Il ne me restait qu'un espoir devant moi. Il n'osera jamais. Et j'ai attendu jusqu'au dernier moment une bonne parole, un geste de pitié, une simple hésitation, quelque chose à quoi m'accrocher pour te pardonner encore. Mais non! Tu es allé droit à la plaie avec tes mains sales. Là, où ça me fait le plus de mal. Mais je ne pouvais pas faire autrement. J'ai besoin de cet argent pour sauver ma peau. Je connais le chiffre. Je viens de l'entendre dire 200 000. Voilà ce que vaut la vie de ta grand-mère. Non, Maurice, non. Elle ne vaut pas autant. Je te l'aurais donnée tout entière pour une seule larme de toi. Mais il est trop tard pour pleurer. Qu'attends-tu à présent ? Pas un centime pour cette peau qui ne renferme rien de moi. Enfin, tu vas me laisser mourir dans la rue comme un chien. N'est-ce pas ta loi ? Garde au moins la dignité de t'y conformer. Préfères-tu que je te livre à la police ? Toi ? Ah non, non, tu serais pas capable de déshonorer le nom des tiens. Les miens ne sont pas ceux qui portent mon nom. Ce sont ceux qui portent ma vie. Qu'attends-tu, te dis-je ? Moi ici avec les miens. Toi dans la rue, avec ce Tarasse. Enfin, pense qu'ils peuvent me tuer. Que je puis tuer, moi aussi. Assez, Maurice, assez. S'il te reste encore quelque chose d'humain, si tu veux encore faire quelque chose pour moi, sors de cette maison tout de suite. Tout de suite. Ma présence te gêne tant ? Pas un moment de plus. Tu ne vois pas que mes forces s'en vont, que mes genoux tremblent, que je ne veux pas tomber devant toi. Va-t'en ! Ce sera ta faute. Va-t'en ! Lâche. Oh, ma pauvre femme, ne t'ai-je pas dit qu'il te dominerait ? Tu vois bien que non. La plus forte douleur est passée. Le plus dur, c'est la trace qu'elle laisse. Cette peine qui vient ensuite en silence et qui enveloppe lentement. Lentement. Pour l'autre, j'y suis accoutumée. Nous sommes de vieilles amies. Les petits n'ont rien entendu, n'est-ce pas? Tu ne penses pas le leur dire? Oh, jamais. Je leur dois les jours les plus heureux de ma vie. Et maintenant, c'est moi qui vais faire quelque chose pour eux. Maurice! Isabelle! Mais d'où peux-tu tirer tant de force? C'est le dernier jour, Fernand, qu'ils ne me voient pas par terre, morte au-dedans, mais debout, comme un arbre. Mais quels sont ces visages tristes? Ils auront bien le temps demain. Cet homme est parti. À l'instant. Ah, quel type étonnant. Il a dit qu'il avait fait un long voyage pour me parler. Il m'a regardé et il a filé comme il était venu. Sans parler? Ah, il semblait vouloir me dire quelque chose d'important. Mais sa voix s'est étranglée, il n'a pas pu sortir un mot. Pas un mot? Si, un seul. Pardon. Tu le comprends? Un fou en liberté, sans doute. As-tu fermé tes valises? J'ai encore le temps. Grand-père, coupe-leur une fleur du tilleul. Ils aimeront l'emporter comme souvenir. Oui, oui, à la fenêtre. Ah, la recette de la liqueur des familles. Nous l'oublierons à la dernière minute. As-tu un papier, un crayon? Oui, grand-mère. Note, ma fille, et tâche de réussir. Toutes les femmes de la maison y ont excellé. Voyons, eau distillée et alcool par part égale. À quelle heure part l'avion? Demain, à l'aube. Demain. Jus de raisin sec, un gobelet, du muscat si possible. Tu n'oublieras pas de m'écrire, Isabelle. Non, grand-mère, toujours, toujours. J'aimerais voir les grands bois et les traîneaux. Deux blancs d'œufs battus en mousseux. Et bientôt, quand vous aurez un tout petit, écorce d'orange amère, bien macérée. Un morceau de cannelle en branche pour parfumer. Deux gouttes d'essence de romarin. Le Théâtre populaire de juin 44 vient de vous présenter, dans une production de Maurice Bertrand, Les arbres meurent debout, une comédie en trois actes et quatre tableaux d'Alejandre Casona, version radiophonique de Jean Camp. Nous vous en rappelons la distribution. La grand-mère, Berthe Bovy, Marthe Isabelle, Hélène Perdrière, sociétaire de la Comédie Française, Hélène Lilicieux, Geneviève Olganilza, Félisa Fanny Marais. La dactylo André Gilles. Maurice, Jean-Louis Gemma de la Comédie Française. Monsieur Balboa, Lucien Nat. L'autre, Marcel Alba. Le faux pasteur, Hubert Prélier. Le faux mendiant, Edmond Beauchamp. Et le récitant, Valé Valdi. Bruitage, Henri Saint-Georges. Prise de son, Jean Pantaloni. Collaboration technique, Jean Parantoine. Assistante de production, Odette Briane. Réalisation, Roger Dattis.